je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites très précisément, que l'objectif n'est pas simplement, justement, une défense corporatiste de l'université, mais effectivement, de former la jeunesse française. Et il est bien clair qu'une large partie de la demande de formation n'est pas une formation de type universitaire. Mais la question subsidiaire, et à laquelle on devrait être sensible précisément par rapport au débat qui a été porté, notamment par Anne Vignocur, mais également par Fauvent La Recherche, la question subsidiaire, c'est comment faire en sorte de maintenir un espace pour la pensée. Non pas que tout l'enseignement supérieur soit dédié à la pensée, mais qu'on en conserve une partie. Or, le mécanisme qui a cours actuellement fait que ceci va totalement disparaître. C'est-à-dire, le mécanisme qui est en cause, c'est celui qui conduit à aller à se diriger vers les formations les plus utilitaristes, les plus court-termistes, la population qui serait la plus à même d'être dans cette autonomie de pensée. C'est ça qui est dénoncé, c'est pas autre chose. Donc, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faut un enseignement de type universitaire généralisé. Il faut arriver à protéger un espace pour l'enseignement universitaire. Autrement, on va perdre sur les deux tableaux. C'est tout ce que je veux dire. Alors, cette idée, effectivement, d'un service public généralisé, c'est pour prendre en considération la multiplicité légitime des attentes d'enseignement supérieur qui ne sont pas uniquement de l'enseignement universitaire. Mais en son sein, il faut qu'il y ait un espace qui protège l'esprit universitaire en France. Encore une fois, si vous êtes d'accord sur le diagnostic et qu'on poursuit les courbes, eh bien, effectivement, dans 10 ans, nous n'aurons plus que ce que j'appelais des marchands de soupe. Donc, faire de moi, par rapport à ça, un défenseur de la politique actuelle du ministère, non, je ne m'y retrouve pas.